Déjà plus d'une feuille sèche parsème les gazons jaunis. Soir et matin, la brise est fraîche. Hélas, les beaux jours sont finis. On voit s'ouvrir les fleurs que garde le jardin pour dernier trésor. Le dahlia met sa cocarde et le souci sa toque d'or. La pluie au bassin fait des bulles, des hirondelles sur les toits tiennent des conciliabules. Voici l'hiver, voici le froid. Elles s'assemblent par centaines, se concertant pour le départ, avec cri et battement d'ailes sur la moulure au bord étroit. Pleine brune, pic blanc, mer bleue, Roland écume leur bassin. Demain, combien de lieux d'océan auront filé sous notre essaim. Je rêve d'avoir des ailes, voler là-bas avec elles, au soleil d'or, au printemps vert, à livrer à jamais de liberté.